Today, I would like to talk about quality. It is yogi's quality. When we practice meditation, we should have qualities, what the Buddha taught. If we have these qualities, sooner or later, what the Buddha taught, we can understand clearly as they really are, what is happening in our body and mind clearly as they really are, that is changing, unsatisfactory, not self. Through this experience, we can attain enlightenment. That's why we must have the qualities what the Buddha taught. So today I would like to talk about yogi's qualities. Aujourd'hui, je vais vous parler des qualités du yogi. Lorsqu'on pratique Vipassana, il faut s'efforcer de développer les qualités dont parle le Bouddha. Si nous réussissons à développer ces qualités, nous comprendrons clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Nous verrons clairement ce qui se passe en nous, dans notre propre corps et dans notre propre esprit. Nous réaliserons que tout est anicca impermanent, dukkha insatisfaisant et anatta insubstantiel. Dès le moment où l'on a réalisé anicca, dukkha et anatta, il devient possible de réaliser l'illumination. Il faut donc que nous nous efforcions au cours de notre pratique de développer ces qualités dont parle le Bouddha. Il y a 5 qualités: la confiance, la santé, l'honnêteté, l'effort et la compréhension. Ce sont donc les 5 qualités du yogi. La première qualité, c'est donc la confiance. Nous devrons tout d'abord avoir confiance en nous-mêmes. Comment fait-on pour avoir confiance en soi? Il faut se dire, je vais pratiquer la méditation telle qu'elle est enseignée par le Bouddha et je vais m'efforcer de suivre ses instructions. Si donc nous prenons la résolution de pratiquer la méditation et de suivre les instructions du Bouddha, nous devons nous dire qu'il devient possible pour nous d'obtenir les bénéfices dont il a été question hier. Nous devrons ensuite avoir confiance dans le Bouddha, dans son enseignement et dans ses nobles disciples. Le Bouddha est parfaitement illuminé. Nous devons donc avoir confiance en lui. Si nous n'avons pas confiance dans le Bouddha, nous ne réussirons pas à appliquer ses instructions. Nous ne croirons pas qu'il est possible pour nous d'obtenir les bénéfices de la pratique, c'est-à-dire la purification des êtres, la victoire sur le chagrin et les lamentations, la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, l'atteinte du noble chemin et du noble fruit et la réalisation de Nibbana. Nous aurons également foi en l'Arya Sangha, la communauté noble. Les Aryas sont des êtres nobles, complètement libérés des kilesas, comme les Arhats. Il y en a qui se seront libérés de toute une série de kilesas, mais pas de toutes, comme les anagami. Les sakatagami se sont également libérés de certaines kilesas, et le sotapanna également s'est libéré de certaines kilesas. Celui qui donc pratique la méditation vipassana et qui atteint l'illumination, ne fût-ce que le premier stade, devient un arya, un être noble, et fait partie de l'arya sangha. Sans atteindre l'illumination, il est impossible de faire partie de l'Arya Sangha. Lorsque donc nous avons foi en l'Arya Sangha, nous avons foi en ces personnes qui ont atteint l'illumination grâce à leur pratique. Lorsqu'on prend les préceptes moraux, on commence par rendre hommage au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. Nous répétons « Buddham Pujemi, je rends hommage au Bouddha. Dhammam Pujemi, je rends hommage au Dhamma. Sangham Pujemi, je rends hommage à la Sangha. » Nous rendons donc hommage au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha et nous le faisons avec confiance. Nous ne rendons pas hommage au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha de façon aveugle. Nous le faisons en comprenant et cette compréhension s'enracine dans notre propre expérience. Nous rendons hommage au Bouddha parce qu'il est parfaitement illuminé par lui-même, c'est le béni. Il y a différentes sortes de saddha, de confiance. Je vais très brièvement vous expliquer que le yogi doit avoir confiance en lui-même, en le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. La deuxième qualité du yogi, c'est la santé. Lorsqu'on pratique Vipassana, il faut être en bonne santé physiquement et mentalement. Il faut avoir une santé physique forte et il faut être mentalement fort également. Parce que cette pratique est très dure. Du matin tôt jusqu'au tard le soir, il faudra donc mettre en application les instructions du Bouddha. Et nous n'aurons pas le temps de nous reposer, nous ne pourrons pas nous arrêter. Pendant toute la journée, du matin au soir, il faudra emmener notre attention avec nous et travailler de façon diligente. Sans effort, il n'est pas possible d'atteindre l'illumination. Il n'est pas possible de comprendre les choses telles qu'elles sont réellement dans notre propre corps et notre propre esprit. C'est pourquoi le Bouddha recommande à ses bhikkhus de faire constamment un effort, d'être toujours attentif, de travailler de façon diligente, d'observer de façon précise ce qui se passe dans leur corps et dans leur esprit, sans quoi ils ne pourront pas se libérer de la souffrance. Le Bouddha nous dit que nous ne savons pas pour combien de temps encore nous serons en vie. Nous ne savons pas de quelle maladie nous allons souffrir. Nous ne savons pas quand nous mourrons. Nous ne savons pas où nous serons enterrés. Nous ne savons pas quelle sera notre prochaine existence. Il recommande donc aux bhikkhus de pratiquer de façon diligente avant d'être vieux, avant d'être malade, avant d'être mort. Pour pratiquer la méditation vipassana de façon diligente, il faut donc être en bonne santé. Si le corps est faible, ce ne sera pas possible. Si l'esprit est faible, ce ne sera pas non plus possible. La troisième qualité, c'est l'honnêteté. Nous devons être honnêtes. Nous devons dire au professeur comment nous avons pratiqué, ce que nous avons expérimenté dans le corps et dans l'esprit. Et nous devons dire la vérité. Avons-nous pu observer tout ce qui apparaît dans le corps et dans l'esprit? Oui ou non? Nous devons répondre honnêtement. Par exemple, nous expliquons au professeur que nous avons pu noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. J'ai pu suivre les instructions et j'ai expérimenté, au moment où j'observais le soulèvement de l'abdomen, un mouvement vers le haut. Lorsque j'ai noté abaissement, j'ai remarqué un mouvement vers le bas. Nous décrivons ce que nous avons réellement expérimenté. Nous n'inventons rien. Nous devons donc être très honnêtes, c'est très important. Donc nous devons expliquer au professeur dans quelle mesure nous avons été capables d'observer de façon précise tout ce qui se manifestait en nous. Mais il ne suffit pas de dire au professeur « Oui, j'ai pu observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. » Il faut expliquer ce que nous avons remarqué ou expérimenté au moment où ces mouvements avaient lieu. Et nous devons parler de choses que nous avons réellement expérimentées. La quatrième qualité, c'est l'effort. En pali, on parle de « atapa ». Sans « atapa », un effort vigoureux, il ne sera pas possible d'observer de façon précise et pénétrante tous les objets qui se manifestent à l'intérieur de nous. Tout ce qui apparaît dans le corps et dans l'esprit devra donc être observé avec précision, de façon pénétrante, il faudra tout noter. En posture assise, le Bouddha nous demande de garder le dos bien droit. Maintenir le corps bien droit pendant toute la séance, c'est l'énergie physique, l'effort physique. Ce n'est pas facile de maintenir le dos bien droit pendant toute la séance. Parfois, le méditant réussit à maintenir son dos bien droit pendant 15 minutes, mais après, il oublie et son dos s'affaisse. Pour ce qui est de l'énergie mentale, il s'agit de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant dans le corps et dans l'esprit. Il ne faudra pas noter que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il faudra également noter tout ce qui se passe dans l'esprit, les pensées, les imaginations, tous les contacts sensoriels comme voir, entendre, sentir, goûter. Lorsque vous prendrez votre repas, il faudra que vous soyez très attentif. Ceci, c'est l'énergie mentale, le fait de maintenir l'attention. Il faudra donc s'efforcer de noter tout ce qui se manifeste en soi. Pour y arriver, nous devrons travailler avec détermination. Nous devrons prendre la ferme résolution d'essayer de maintenir notre attention pendant toute la journée. Si nous ne travaillons pas avec détermination, si nous sommes trop relax, nous ne pourrons pas noter sans interruption, nous oublierons de noter la plupart du temps. Ce n'est pas facile de maintenir l'effort physique et l'effort mental. Mais c'est un entraînement. Nous devons donc nous entraîner. Si nous ne nous entraînons pas, nous ne pourrons pas renforcer notre énergie physique, nous ne pourrons pas renforcer notre énergie mentale. Comment développe-t-on l'énergie? Il faut savoir que lorsque l'énergie physique est faible, l'énergie mentale le sera également. Si nous perdons l'attention, nous ne savons plus comment est notre corps. Au début de la séance, par exemple, le corps est maintenu bien droit. Après quelque temps, nous pourrions perdre l'attention. Si nous perdons l'attention, nous ne savons plus comment, dans quelle posture se trouve le corps. C'est de cette façon que nous perdons l'énergie physique et l'énergie mentale. Il y a trois types d'énergie. La première, c'est Arambha Dhatu. L'effort initial. Lorsque nous notons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous devons diriger notre esprit vers ces mouvements et nous devons tout simplement ressentir un mouvement vers le haut et ressentir un mouvement vers le bas. Il ne faut pas rechercher des sensations. Il faut simplement être très attentif et si nous sommes très attentifs, nous ressentirons ces mouvements. Au début, c'est suffisant. Parfois, on demande au méditant de maintenir son attention pendant toute la durée du mouvement, du début à la fin. Mais un débutant n'est pas en mesure de voir ni le début ni la fin des mouvements. Il ne voit qu'un mouvement général. C'est l'effort initial et cela suffit. Si vous ressentez le mouvement dans l'abdomen, cela veut dire que votre esprit est alerte. Vous ne vous ennuyez plus, il n'y a aucune paresse en vous, tout simplement parce que vous êtes capable de noter très attentivement et de ressentir le mouvement. Pour ressentir le mouvement, il faut noter avec attention. Mais si vous ne sentez rien, si vous ne ressentez pas le mouvement, il n'y aura aucun intérêt pour la pratique, vous allez commencer à vous ennuyer. Vous n'expérimentez rien et des pensées négatives commencent à s'introduire dans votre esprit. Que suis-je venu faire ici? Pourquoi faut-il observer les mouvements d'abdomen? Je ne vois rien. De cette façon, vous ne développez pas la confiance. Par contre, si vous ressentez ces mouvements, ce sont des pensées positives qui vont faire irruption dans votre esprit. Oh, je peux maintenir mon attention sur l'abdomen et ressentir le mouvement. Vous allez alors travailler de façon très diligente pour ne pas perdre l'attention. Vous allez noter sans interruption pour expérimenter encore plus clairement ces mouvements. De cette façon, vous échappez à l'ennui, à la paresse, à la dépression. Ce type d'effort est appelé Nekama Dhatu. C'est l'effort libérateur. Vous notez donc les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous commencez par le faire pendant une fois, deux fois, trois fois. Plus vous notez, plus vous vous entraînez, plus ces mouvements deviennent clairs. Au début, vous n'êtes pas capable de ressentir ni le début ni la fin des mouvements. Vous ne voyez que la partie centrale. Mais petit à petit, votre attention se développe et vous commencez à voir très clairement ces mouvements. Vous êtes capable de les voir apparaître, se prolonger et disparaître. Une sorte de compréhension va alors automatiquement se manifester. Vous ne la recherchez pas, elle se manifeste d'elle-même. Vous voyez très bien le mouvement ascendant. Vous observez attentivement et maintenez votre attention pendant toute la durée du processus. En même temps, vous êtes conscient d'autres sensations dans le corps, comme par exemple de la chaleur, de la douceur, de la dureté, etc. Vous commencez donc à voir très clairement le corps et l'esprit. Ce type d'effort que vous fournissez alors s'appelle Parikama Dhatu. C'est l'effort progressif. Nous devons donc développer notre énergie. Nous devons réussir à installer en nous ces trois types d'efforts. Il faudra pour cela pratiquer de façon diligente. Tôt ou tard, nous allons réussir à voir clairement tous les objets qui se manifestent en nous. Nous aurons la compréhension claire, complète. On appelle cela en pali Sampajana. En tant que pratiquant Vipassana, nous devons donc essayer d'installer en nous ces qualités. La première, c'est donc la confiance. Confiance en soi, confiance en le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. La deuxième, c'est la santé. La troisième, c'est l'honnêteté. Cette troisième qualité est tout particulièrement importante. Elles le sont toutes, mais celle-ci tout particulièrement. La quatrième, c'est le fait de pratiquer de façon diligente en fournissant un effort. Et la cinquième, c'est réussir à comprendre clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Mais il ne faut pas rechercher cette compréhension. Il ne faut pas vouloir forcer. Elle va se manifester d'elle-même lorsque l'attention sera devenue forte. Pour que l'attention se développe, il faut travailler de façon diligente. Si nous n'avons pas l'attention, nous ne pourrons pas réussir à comprendre clairement. Telles sont donc les cinq qualités du yogi. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.